L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. On va parler d'un concert qui aura lieu prochainement à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, pour une nouvelle création qui s'intitule Illumination, et tout cela au pluriel. Une création vous a d'abord demandé de vous isoler, en quelque sorte, dans les forêts du Lot, précisément. Ouais. Un peu comme aujourd'hui, je crois savoir. C'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. C'est effectivement un endroit où je vais me ressourcer de temps en temps. Et qui est, totalement en pleine nature, donc en communication directe avec les différents états météorologiques, et qui permet de s'aérer l'esprit et en même temps d'aller puiser des grandes forces pour la composition. Voilà, j'ai besoin de temps en temps de me retirer un peu de l'agglomération, de la mégalopole, pour aller puiser l'inspiration plutôt du côté de la nature. Donc, Au combien on vous comprend, nous qui sommes dans cette mégalopole en ce moment même. Alors, définition d'illumination, on peut faire quelques raccourcis. Lumière, inspiration soudaine, éclairer, donner de l'éclat, mais on peut parler également d'illumination spirituelle. Est-ce que c'est un peu un ensemble de ce que je viens de citer? Ouais, c'est totalement ça. C'est à la fois chaque partie du tout et à la fois l'ensemble dont j'ai voulu parler. Alors, c'est quand même il y a un peu d'abstraction là-dedans, c'est-à-dire que j'ai pas non plus voulu que chaque petite pièce musicale décrive extrêmement précisément tel ou tel état lumineux ou telle illumination à l'intérieur de notre petit esprit. C'est plutôt une réflexion globale sur la lumière et puis une façon aussi de se laisser imprégner, pénétrer comme ça des différents états lumineux internes et externes qu'on peut traverser. Et c'est d'autant plus mêlé que c'est une pièce ininterrompue, c'est-à-dire que au travers à peu près 1h15 de concert, on passe dans toutes sortes de différents états que d'ailleurs chacun pourra interpréter à sa façon. Et pour s'aider comme ça dans ce voyage à la fois musical et lumineux, on sera fortement appuyé par un éclairagiste assez extraordinaire et grand artiste qui s'appelle Mathieu Ferry et qui va faire là-dessus, sur la musique que j'ai composée, une création lumière assez audacieuse et qui prend vraiment de la place et qui prend une vraie place narrative aussi dans le projet pour nous raconter encore plus d'illumination. Alors c'est vrai que traduire tous ces effets de lumière naturelle, d'ailleurs vous avez écrit, la lumière naturelle y était tellement d'une beauté saisissante, sans cesse changeante, là, à l'endroit où vous êtes dans les forêts du Lot, pour qui vous ont chargé d'une inspiration bien au-delà de cette dimension mystique ou spirituelle, comme je disais tout à l'heure également. L'élément naturel a eu une influence sur votre écriture. Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est on est quand même dans un processus assez mystérieux que je ne peux pas totalement décortiquer. Il reste quelques énigmes, heureusement, là-dedans. Mais il est vrai que quand je me retrouve ici, donc qui est quand même une des régions de France peut-être les mieux préservées dans son... Voilà, enfin, la nature est vraiment sauvage. Il y a une multitude de différentes espèces d'insectes, de papillons, d'oiseaux. Et je suis entouré entièrement de forêts. Et c'est vrai qu'il y a des périodes, notamment pendant la fin de l'automne, l'hiver, le début du printemps, où le temps change extrêmement rapidement, soudain le ciel devient tout noir, plein de nuages menaçants, et au travers de ces énormes nuages arrive soudain à percer un immense rayon de soleil qui vient nous éclairer, et il y a quelque chose à la fois de mystique, parce que on imagine, nous petits êtres humains, des espèces de raisons supérieures à ces apparitions lumineuses, mais en fait il y a aussi quelque chose de l'ordre purement physique, qui m'intéresse, c'est-à-dire vraiment la lumière sous sa forme quasiment de petites particules lumineuses, et pourquoi est-ce que soudain ça nous influence de différentes manières. Et voilà, c'est une interprétation poétique et assez large, pas du tout qui se veut en tout cas pas du tout scientifique de tout ça, mais vraiment c'était voilà cet ensemble lumière nature qui s'est comme ça échappé en musique. C'est marrant parce que ça me rappelait un peu une expression, alors dans un autre temps, expression célèbre d'un peintre qui a pour nom Van Gogh, qui est décédé à Auvers-sur-Oise, pas très loin de là où nous nous trouvons à Cergy-Pontoise, sur la commune d'Auvers-sur-Oise. Il disait, lui, il décrivait Auvers-sur-Oise, c'est gravement beau, en parlant justement précisément de cette lumière et de ce cadre naturel qui était juste à la porte du Vexin français, comme ça l'est encore aujourd'hui. C'est un peu un raccourci, mais je pense qu'il y a de cela dans le rapprochement entre ce que peut éprouver un compositeur et un peintre également. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, par exemple, un rayon de soleil, ça peut être quelque chose dont on va juste profiter assez égoïstement pour obtenir un petit bronzage ou pour éclairer un livre qu'on est en train de lire, mais ça peut être aussi réellement un émerveillement en soi-même, et c'est là où ça devient gravement beau. C'est pas juste joli, c'est pas juste beau, c'est gravement beau. J'aime bien cette expression. Et oui, je pensais que ça allait vous plaire, justement. Ça allait en tout cas vous parler assurément. Alors, ouais. Création pour clarinette, car vous êtes un fabuleux clarinettiste, ce que vous précisez d'origine klezmer. Est-ce que c'est toujours le cas encore aujourd'hui dans cette création? Oui, alors effectivement, je me définis comme clarinettiste d'origine klezmer parce que ça me semble de plus en plus difficile de m'appeler clarinettiste klezmer parce que je voudrais pas donner une fausse idée au public qui viendrait voir le spectacle. Il n'y a plus grand chose de réellement klezmer, de klezmer au premier degré, et en même temps je crois que dans ma manière de jouer, dans ma manière de composer, il n'y a pas besoin de gratter énormément la surface pour découvrir toute une myriade d'éléments qui sont directement issus de la musique klezmer. Donc d'origine klezmer me paraît laisser un champ suffisamment large pour à la fois réclamer et clamer hautement et avec fierté mes origines musicales, et en même temps me permettre quand même d'aller explorer quelques petits sentiers encore inconnus jusque-là. Clarinettiste, disais-je, donc en ce qui vous concerne, mais pas seul en scène, car c'est une superbe rencontre, fusion aussi avec un quatuor à cordes. Ouais, magnifique quatuor à cordes, qui s'appelle donc le quatuor Ixi, et qui a eu quand même une particularité qui est d'évoluer entre musique contemporaine, donc musique écrite, musique savante occidentale écrite, et jazz contemporain, improvisation, c'est-à-dire que on a à la fois toute la culture classique contemporaine, les quatuors à cordes évidemment, on va dire de Mozart jusqu'à Stockhausen, ou en tout cas Messiaen ou Bartok, et en même temps cette culture de l'improvisation et cette science même de l'improvisation, parce que ces quatre musiciens qui évoluent vraiment dans le jazz contemporain, donc Régis Subi et Théo Secaldi au violon, Valentin Secaldi au violoncelle et Guillaume Roy à l'alto, sont vraiment tous les quatre des individualités assez remarquables du jazz contemporain français, et qui se regroupent dans ce quatuor ici et qui me font l'honneur d'accepter de venir jouer mes compositions avec moi. Et ça, c'est à la fois un groupe avec un son et à la fois quatre individualités vraiment artistiquement fantastiques. On va pouvoir aller le vérifier effectivement le jeudi 4 mai à 19h30 à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. On va finir cette interview, Yom, juste pour à la fois donner rendez-vous à nos auditeurs, à ceux qui vous suivent. Vous êtes artiste en résidence. C'est la deuxième saison à l'Apostrophe en ce qui vous concerne ? Oui, tout à fait, c'est la deuxième saison, une première saison qui a été plus de diffusion, plus de concerts, de choses déjà existantes, et puis là, cette saison qui est vraiment une saison de création qu'on débute là le 4 mai avec Illumination, et qu'on continuera ensuite par une création que malheureusement, dont la première malheureusement ne va pas se passer à Cergy ou dans le Val-d'Oise, pour différentes raisons, mais qui a quand même été créée, travaillée dans le Val-d'Oise et qui sera jouée en début de saison prochaine pas à l'apostrophe, puisque c'est un duo avec l'organiste titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Eustache à Paris, avec qui je fais un duo, et que voilà, vous verrez ça en début d'année prochaine à Pontoise et dans différentes villes du Val d'Oise. Merci. Juste un petit rappel ou précision. À l'occasion de votre concert, donc, du jeudi 4 mai à 19h30 à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, il y aura une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue du concert. Ça, vous me confirmez que ça se déroulera également? Ah oui, tout à fait. Je le confirme. Et puis vraiment, toutes les questions, impressions, réflexions seront les bienvenues. C'est une invitation à voyager finalement, à laquelle vous nous conviez pour ces illuminations du 4 mai. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai énormément travaillé sur un voyage peut-être plus géographique, cartographique, en traversant l'Europe de l'Est dans tous les sens. Sur un dernier projet, c'était la traversée la sortie d'Égypte. D'ailleurs, on est en plein Pessah en ce moment, la Pâque juive, et c'est qui célèbre la sortie d'Égypte du peuple juif il y a 3500 ans. Et puis mon dernier album, que j'ai d'ailleurs joué au Théâtre des Louvrets à Pontoise, qui était une espèce de traversée fantasmée de l'Amérique. Et là, je crois qu'à travers Illumination, je m'autorise à aller un peu plus loin dans un voyage purement intérieur. Voilà, c'est les états lumineux qui déterminent nos états psychiques et émotionnels. Et donc, c'est vraiment une autorisation totale à faire un voyage interne pendant ce concert. Un grand merci, Yom. On vous retrouve le jeudi 4 mai à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.